plaqué au sol. Debout, debout. Écoute, ça vaut le coup qu'on se cache du symbole de la nationalité. L'identité chez l'homme de tout pays est marquée par la fierté de sa culture, de ses langues, de ses héros. K.O. Organisé dans le désordre des mots fausses. Replacé sur une position géographique et couvre de la politique est étroitement liée à la métaphysique. Je ne suis pas hors sujet, mais si tu veux parler du FN, il va falloir se pencher sur pas mal d'autres problèmes. Le racisme ne se limite pas aux partis de l'extrême. Dilemme qui mène le bas des avions charter. Quoi. Quel président africain combat vraiment la misère? Pourquoi les Européens de l'Est passent massivement nos frontières? Pourquoi l'Europe se regroupe et veulent une unité monétaire? Pourquoi les pères et mères partent de leur terre pour aller vers l'enfer? Conscient comme Confucius, pour ne pas confondre. Écouter le bon œuf et toute la glace va fondre. Il est temps maintenant que la science mixe à la conscience de l'instant. Yeah, c'est vrai, il y a des racistes en France, des familles blessées par l'histoire, aussi par l'ignorance. Mais quel pays n'a pas ses plaies? Quel émigré de la fortune n'aurait pas aimé rester dans ses collines ou ses dunes? C'est vrai, l'histoire ne commence pas à la colonisation. Avant, il y a eu des pages de migration, plusieurs civilisations ont disparu, des dictateurs sont en place, c'est une conspiration. Ambiance tendue, on récolte les votes des âmes perdues. Certains ne disent plus pour contrer la pensée corrompue. Amène la clairvoyance pour contrecarrer la connerie humaine. Phénomène omniprésent, bien avant la quête de Le Pen. Vous ne voulez pas que le FN monte, alors amenez de l'espoir aux enfants. Changez de politique en ce qui concerne l'immigration et l'environnement. Changez vos relations économiques avec le tiers-monde. Sonde bien la surface avant que ta pensée l'inonde. Toujours en action contre les nations fascistes, racistes. Cela implique combattre sa propre suffisance, replacer ses propres couilles dans son propre slip. Y'a pas de gimmick, je veux pas hit, je m'appuie sur des faits historiques. Car sont les thèses racistes avec du pur style, sont de la putain rythmique. Jésus-Christ fut crucifié pour trouble à l'ordre public. Révolutionnaire de l'époque, sorte de Malcolm X mystique. On tue en Algérie, en Yougoslavie, en Tchétchénie. La différence est entretenue, basée sur le racisme aussi. Tout comme en Afghanistan, entends-tu le cri des mamans? Non. Normal, on les censure comme nos sœurs en Iran. La 5ème République a été mise en place par un général de l'armée, inspiré du code Hammurabi avec Wiseman, je t'en ai déjà parlé. Fais attention où tu mets les pieds, sinon tu risques de vite tomber, glisser dans la facilité. Fais gaffe, bébé, personne pourra t'attraper. Et si ça part en Yaku, t'étonne pas de faire oser. Alors dans ma liste d'ennemis, le FN n'est pas le premier cité. L'avidité de pouvoir qui le fait naître et la bêtise communier font qu'on manipule le peuple français avec style les étrangers. Mais qui est français et qui ne l'est pas? Sénégal, Mali, Algérie, Vietnam, Rogma. Rapport étroit avec le solde de Gaulle, mon gars. Respecte la tolérance et l'hospitalité que la France devrait avoir aux yeux du monde, c'est ce qu'on enseigne aux écoliers. Pas vrai. La flamme qui brûle en moi est loin des tricolores, métaphore universelle, comme le poète Omar Khayyam. Rassons les étincelles, donc ne rate pas le coche. Sois lucide comme le MIB ou nos gars Kabbalah Boboche. Je représente pour assassins, pour les quartiers les plus malsains, pour ceux qui cèdent eux-mêmes, puis ensuite qui tendent une main. Demain c'est loin, donc aujourd'hui on s'appuie sur nos écrits pour sauver les fils de fachos, les fils de joie, pour les fils de bandits. Fuis si tu fais partie des chacals qui déblatèrent des conneries. Ici on rayonne, personne ne nous a endormis. Compris. Ici on rayonne, personne ne nous a abrutis. Compris.